Mardi 25 mars, bienvenue à l'aérospatiale. Julie Gagné avec vous jusqu'à 18h30 pour parler art visuel. Aujourd'hui, à l'émission, on discute avec Armelle François qui travaille à Engram. On va parler de l'exposition Histoire universelle de l'infamie, donc qui est présentée jusqu'au 6 avril. Catherine Boivin viendra faire sa chronique sur l'exposition Anomalie de Stéphane Langlois qui est présentée à Materia. Également, on aura une longue discussion avec Alain Martin-Richard autour de la monographie qui sera lancée lundi prochain au Cercle. Monographie qui s'intitule Alain Martin-Richard, performance, manœuvre et autres hypothèses de disparition. Le tout sera, bien entendu, entrecoupé des suggestions de Simon Roy. On en écoute tout de suite un extrait. C'est Cage House, une pièce tirée de l'album Mostly I Like Everything. Et la pièce qu'on écoute, c'est Through Yonder Window. Là, c'était un extrait de la pièce, Through Yonder Window, et on est rejoint par Raymond Poirier qui va nous faire sa revue de presse. Bonsoir. Bonsoir, Julie. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il cette semaine, Raymond? Bien, notamment, c'est du nouveau du côté de Toronto. On avait déjà parlé dans les chroniques, notamment d'un événement qui s'appelle Art Toronto, qui était quand même, en fait, je pense, la plus grosse foire d'histoire de l'art, la plus grosse foire d'art contemporain au Canada. Donc, ça a lieu à fin octobre. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a un événement qui semble vouloir, je dirais pas compétitionner, mais au moins être offert en même temps, qui est organisé par l'Association des galeries d'art contemporain. Donc, ça s'appellerait Future Art Fair. Et donc, l'idée, c'est que ça aurait lieu donc en même temps qu'Art Toronto. Et l'idée, c'est de profiter un peu de l'achalandage qu'il y a pour Art Toronto pour les amener à découvrir à proximité donc une vingtaine de galeries dédiées à l'art contemporain avec trois artistes chacun, donc en complément, si on peut dire, aux 100 galeries qui sont présentes du côté d'Art Toronto avec aucune restriction le côté artiste. Donc ce qu'on dit, c'est qu'on veut essayer d'avoir un événement satellite peut-être un peu plus intimiste pour profiter donc de l'achalandage, mais amener les gens à profiter de l'art contemporain, mais dans un autre contexte, peut-être un peu plus justement intime, peut-être un peu plus relax également. OK. Donc ça va être à voir. Sinon, en fait, j'ai envie de t'amener du côté de Montréal. C'est intéressant ce qui se passe là-bas. En fait, à Québec, on a déjà la coopérative Méduse avec des 105 centres d'artistes qui font aussi de l'exposition, quelques centres d'artistes en plus. Et semble-t-il que tranquillement, du côté de Montréal, on essaie d'avoir un peu notre version, si on peut dire, de Méduse, avec six centres d'artistes qui serait donc au pôle de Gaspé. Donc, on parle quand même, en fait, d'un pôle qui se développe depuis quand même un certain temps. Là, je pense en 2002, c'était le centre Clark qui avait été s'établir à cet endroit-là. Depuis, en fait, il y a eu d'autres centres qui s'y sont jouxtés. On pense à Diagonale, l'Atelier circulaire, Occurrence, Optica également. Et là, donc, il y aura Dazibao qui va s'ajouter à ce centre-là, donc qui va s'appeler le pôle de Gaspé ou le P2 Gaspé, si je ne me trompe pas. Dans l'idée, justement, de profiter des espaces pour regrouper un peu les centres d'artistes pour s'unir, pour peut-être aussi répartir les coûts liés au logement, aux locaux. Oui, excuse-moi, Raymond. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire le saut aussi avec ce qui se passe du côté d'Halifax. Parce que d'un côté, en fait, je suis tombé sur cette nouvelle-là qui était dans le Devoir, concernant justement les centres d'artistes à Montréal qui ont quand même de plus en plus d'espace. À Québec, bon, reste qu'avec Méduse, avec d'autres centres, je pense que il y a quand même, disons, une belle présence de centres d'artistes au centre-ville. À Halifax, semble-t-il que c'est pas nécessairement la même situation. Là-bas, il y a une petite controverse, à la limite, autour du Kyber Center for the Arts, qui était un des rares centres d'artistes, justement, à être localisé au centre-ville d'Halifax, et qui devra quitter, en fait, ses locaux, parce que, bon, l'édifice, il est plus à jour, des problèmes d'amiante, des trucs comme ça, donc, pour des motifs qui sont pas du tout liés à la pratique artistique. Okay. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que la ville n'est pas en mesure de lui offrir un local dans un espace équivalent, donc dans un lieu équivalent dans le centre, ou sinon un espace qui est beaucoup plus petit versus l'espace et les besoins qu'il avait auparavant. Alors, ça mène à un débat, à savoir est-ce que, justement, la ville priorise suffisamment la présence de l'art au centre-ville? Est-ce qu'on devrait développer des mécanismes pour s'assurer qu'un centre comme, justement, Kyber puisse rester au centre-ville? Donc, c'est quand même assez intéressant. Et à surveiller aussi ce qui se passe là-bas. Et en même temps, ça nous permet de relativiser des fois un peu les problèmes, les enjeux ou les défis dans nos villes québécoises. Effectivement, mais Raymond, dis-moi, est-ce qu'ils sont comme plus en périphérie, dans d'autres types de quartiers que le centre-ville, les centres d'artistes? Ben, en fait, c'est pas mal un peu la situation. Donc, c'est parfois, disons, un peu plus loin. Ouais. L'espace qui est peut-être un peu trop dispendieux, pas nécessairement suffisamment disponible. Donc, ouais, non, je comprends. Il y a des centres qui ont dû se déplacer, qui ont dû aller plus loin parce qu'on manquait d'espace aussi pour même juste développer plus avant les activités. Okay. Donc, on était un peu limité dans la croissance. Alors, il y a un réel problème de ce côté-là où les artistes quittent tranquillement le centre-ville, loin des centres d'artistes. OK. Bon, mais espérons que ce centre d'artistes pourra être relocalisé et être bien situé. Oui, effectivement. Et parallèlement, je reviens à Montréal. La semaine dernière, on parlait du Musée des Beaux-Arts de Montréal qui avait eu quoi, à peu près plus d'un million de visiteurs. Et là, c'est des chiffres scolaires qui sont sortis du côté de Montréal, encore toujours du Musée des Beaux-Arts. Et on parle de record, en fait, d'un engouement record des écoles. Donc, c'est quand même assez intéressant, surtout dans le contexte où, il y a quand même une volonté aussi de développer justement ce type d'activité-là. Donc, on estime en 2012 que la fréquentation du musée par les élèves, les groupes, les familles atteignait à peu près 200 000 visiteurs par an d'ici 2017. Puis finalement, les chiffres ont déjà été atteints. Ah ouais? Donc, l'objectif qu'on t'a donné pour 2017, il est atteint. Alors là, on s'est dit, ben regarde, il faut ouvrir nos locaux plus souvent, peut-être le lundi pour les écoles parce qu'il manque de plage horaire. Il y a des tirages au sort qui sont obligés d'être faits pour permettre aux écoles ou essayer d'être équitable le plus possible dans l'accès aux classes. On se dit, ben mon Dieu, on va rajouter un étage pour ça. Donc, c'est vraiment, en fait, c'est un beau problème, si on peut dire, du côté du Musée des Beaux-Arts de Montréal avec justement une surenchère des groupes scolaires, une surabondance des groupes scolaires de ce côté-là. Ben ça, je trouve ça très plaisant pour l'éducation des jeunes, en tout cas. Oui, vraiment. En fait, c'est de voir que les professeurs, puis que les élèves, puis que les parents d'élèves ont toujours une volonté de profiter de ces institutions-là, puis des services qui sont offerts dans ces institutions-là. Ben oui. En terminant, Raymond, je pense l'histoire du pire selfie, là. Oui, ben ça, c'est comme la mode. En plus, je suis tombé sur le fait qu'il y allait avoir bientôt dans les musées le selfie day où on va inviter des gens à faire un selfie d'eux-mêmes en avant d'une œuvre d'art et à la diffuser sur les médias sociaux. Et ça montre les problèmes peut-être liés à ce type de pratique-là ou liés au manque de connaissances des gens, de certains visiteurs, de la valeur des œuvres d'art qui sont présentes. Dans ce cas-ci, c'est un étudiant dans une visite à Milan, au Beaux-Arts de Milan, qui a décidé de monter sur une statue pour se faire un selfie original pour pouvoir le diffuser par la suite et qui finalement a brisé la statue, donc il a coupé la jambe, un bras. Donc là, si on parle de, bon, au moins, en fait, ce qu'on a dévoilé par après, c'est que c'est pas un original, donc c'est une reproduction qui date de peut-être 200-250 ans, mais quand même, il y a peut-être d'autres types de problèmes, puis ouais. En fait, un manque de distance, un manque de valeur, peut-être, chez certains, là, face, justement, à l'art, de respect pour ce type d'objet-là, là, qui est mis de l'avant dans des petites gaffes comme celle-là. Bravo, hein? Oui. Ça faisait le tour des médias français. En fait, je pense que c'est difficile de pas visiter le site d'un média en France ou en Europe sans tomber sur cette anecdote-là. Donc, comme quoi, ça a pas mal fait jaser. Ben oui, effectivement. On comprend pourquoi aussi. Hein. Mm. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On t'écoute vendredi à La Vie en BD. Oui, et notamment, on va parler de quelques spectacles et rencontres en route vers le 27e Festival de la BD de Québec. Voilà. Donc, l'invitation est lancée vendredi 17h30, La Vie en BD. De notre côté, on s'en va en pause. On écoute If We Can't Leave, We Can't Enter. Et au retour, on discute avec Alain Martin-Richard. De retour à l'aérospatiale, j'accueille Alain Martin-Richard. Bonsoir. Bonsoir. Lundi prochain, au Cercle, en Formule 5 à 7, il y aura le lancement de la première monographie, en fait, sur votre travail. Oui. C'est pas un genre de truc qui arrive très souvent, effectivement. Ouais. Une monographie, je dirais, quand même assez consistante, hein, quand même. Là, il y a plus de 300 pages. Il y a quoi? Il y a 7-8 auteurs. Un très, très long texte sur Guy Séouy-Durand, sur votre pratique. Ouais. Comment on sent quand ça arrive, ça? On se sent assez impressionné. D'autant plus, c'est plus que 350, c'est 414 pages. Oh, OK. C'est vraiment du stock. Mais ça tient au fait qu'il est bilingue aussi. Oui, effectivement. Donc ça vient rajouter, ben, c'est carrément sa double livre, là. Mais oui, on se sent très impressionné et j'avoue qu'en cours de route de processus, j'étais très proche du processus tout le temps. J'avais des gros chocs très jouissifs, je dirais, mais quand je voyais les textes que les gens écrivent, tout est de super qualité, là, dans le livre. C'est assez impressionnant. Oui, il y a vraiment une rigueur, hein? On le sent là, quand on regarde la monographie. Oui. Et les deux éditeurs, Paul Couillard et Alexandra Livant, ont travaillé, ont fait un travail gigantesque, tu sais, de raffinement dans les textes, dans les dans la séparation, dans l'aménagement du livre lui-même. En tout cas, c'est un très beau travail. Oui, puis un beau travail de mise en page aussi. Des fois, on n'en parle pas tant, mais ça reste quand même toute la présentation. Oui, bien là, c'est quand même important, tu sais, c'est Sagami qui ont toutes fait la mise en page. Émilie, salut Émilie. Vraiment, puis comme il y a beaucoup de photos, beaucoup de textes, tu sais, c'était pas évident de trouver un bel aménagement, de faire cohabiter tout ça ensemble, mais c'est très réussi. À mon sens, en tout cas, j'ai hâte d'avoir un peu les réactions du monde, là, mais moi, je suis vraiment très heureux du projet. Et vous êtes en fait publié dans la collection Légende de la performance canadienne. Et là, moi, je me suis dit... Ben, Sam, ça doit faire quelque chose. Vous êtes le troisième à être publié là, dans cette collection-là. On dit même que vous êtes le premier homme, la première édition bilingue. Premier Québécois, premier homme, premier bilingue. Oui, effectivement. Non, ça a été d'ailleurs... écoute, quand Paul Couillard m'a appelé pour me proposer ça, je suis parti à rire. Je voulais pas. Je dis, il n'y en a pas question. Tu me mets déjà comme légende. Tu fais déjà, tu sais, 6-7 ans de ça là, que ce projet-là a commencé, pas le livre lui-même, enfin. Ouais. Et donc, je dis, ah, non, tu vas pas m'enterrer tout de suite, là, ça n'a pas de sens. T'sais, j'ai vraiment résisté au début, je voulais rien savoir. Là, il a fini par me convaincre que, bon, c'était pas tant sur l'idée de légende que diffusion pour le Canada, etc., le truc bilingue, enfin, bref. Donc, j'ai fini par céder avec joie, d'ailleurs. Je m'en félicite aujourd'hui parce que c'est vraiment... quelque chose. Et quand je regardais cette monographie-là, parce que vous, Alain Martin-Richard, là, quand même, vous avez une pratique là, assez large, performance, manœuvre, installation, critique d'art, commissariat, théoricien, même, hein, de trouver l'équilibre dans toutes ces dimensions-là de votre travail sur une trentaine d'années. C'est beaucoup. Ça devait être assez particulier. C'est beaucoup. Hein? J'étais même impressionné moi-même. Tu regardes, tu sais, quand tu fais les choses, bon, tu t'es fait, t'es dans l'action, puis là, ce recul forcé un peu, là, t'es obligé de revisiter tes affaires, revenir, fouiller dans ton stock, ramasser tout ça. Ça a été un immense travail. C'était vraiment très gros. Puis là, ben, pour réaliser que, tu sais, on a fait là des affaires finalement à travers tout ce temps-là, là, ça, c'est assez, je dirais, même impressionnant, tu sais, vu de l'extérieur. Puis là, j'ai une espèce de regard extérieur. Je fais, voyons donc, comment j'ai fait pour arriver à tout ça, tu sais. Enfin, voilà, c'est là. Mais vous avez pas arrêté, là. Moi, c'est ça. Je me suis dit, quand j'ai vu là, le CV à la fin, là, qu'il y a comme, je sais pas combien de pages, là. Ouais, c'est ça. J'étais toujours en mode. Puis en même temps, c'est une double vie, tu sais, parce que moi, j'enseignais aussi au cégep. En plus, bon. Ça fait que c'est vraiment une double vie que j'ai fait à travers toutes ces années-là. Bon, avec des breaks, là, par rapport au cégep, mais oui. Donc, une pratique très très large, je dirais, très diversifiée. Le rapport à l'écriture, très important. Autant dans mes performances, d'ailleurs, qu'en dehors, puis couverture de textes. Donc, beaucoup de textes écrits sur la performance, bien sûr, sur les arts visuels, et toute une série de textes sur le théâtre. Et donc, la relation entre le théâtre et la performance, j'ai beaucoup réfléchi puis écrit là-dessus. Oui, parce que je pense que vous êtes originaire, justement, là, à la base, plus du théâtre expérimental, puis vous avez fait, au tournant des années 80, le saut. Ouais, ben, je suis pas à la base, mais je me suis tout de suite encoquiné avec des gens qui travaillaient là-dedans, puis c'était vraiment c'est ça, c'était une préoccupation au départ qui m'intéressait beaucoup. C'était d'abord par le théâtre. Progressivement, j'ai quitté ça un peu pour bon toutes sortes de raisons, entre autres le fait que je suis pas vraiment un comédien non plus, donc je passais à autre pratique, mais c'est comme rester toujours présent, tu sais, la visibilité du théâtre, comment avoir le théâtre, comment l'interpréter, comment par rapport à la performance qu'on fait souvent là, de plus en plus les gens de théâtre empruntent à la performance, on qualifie les gens de performance de faire trop de théâtre. En fait, tu sais, il y a un rapport qui est toujours un peu ambigu entre les deux pratiques. Et moi, ça m'intéressait aussi de réfléchir, à la fois de réfléchir là-dessus, puis d'essayer de développer des pratiques très spécifiques, très différentes. Oui, parce que, là, vous avez fait de la performance, mais aussi, vous avez fait beaucoup de manœuvres. En fait, je pense à partir des années, plus des années 90, là, vous êtes lancé dans cet univers-là. Quand on parle de manœuvres, vous avez beaucoup écrit, d'ailleurs, des textes, là, sur la manœuvre dans la monographie. Pouvez-vous nous en parler un peu? C'est quoi votre regard sur cette pratique, j'ai envie de la dire au pluriel, pratique-là? Ben, par rapport à la manœuvre, ce qui est intéressant pour moi, c'est l'idée d'une manœuvre. On se rapproche bien sûr de l'art communautaire ou d'un art participatif ou bon, ce genre de trucs-là. Quoique moi, je suis pas du tout en art thérapie, par exemple, en aucune façon. Mais c'est-à-dire que j'avais écrit dans un texte publié dans le catalogue du musée il y a quelques années que c'était un peu s'abolir dans le désir de l'autre. C'est donc dire de mettre en place un espèce de concept, un projet, une situation que des gens, qu'une communauté X va entériner, vont adopter, puis ils vont mordre là-dedans, puis ils vont décider de participer. Ce qui est intéressant dans la manœuvre, c'est que le concept vit à partir du moment que des gens qui sont pas des spectateurs, deviennent des acteurs directs, décident de faire la chose. Ouais. Donc, toi, tu proposes une idée, puis là, le monde en bas dit « Ouais, OK, ça m'intéresse », puis ils la font. Donc, l'œuvre d'art est comme réalisée par le public, et le public devient le matériau et le fabricant lui-même du projet artistique. Et dans le fond, justement, il est plus passif, puis là, il y a une réelle communication qui se fait entre l'artiste, l'art et le public aussi, là, en l'intégrant comme ça. Tout à fait. Et pour moi, c'est toujours cette idée de jusqu'où on peut amener l'art dans la vie, jusqu'où on peut amener la vie dans l'art, et quel est le moment de l'expérience esthétique que tu peux vraiment vivre comme spectateur. Et donc, je me suis dit, si tu procèdes si tu vas un pas plus loin, ben tu seras pas juste contemplatif ou juste l'observateur de la chose, mais tu deviens toi-même l'acteur. Et toute cette idée des arts interactifs, c'est quand même un truc qui est pas nouveau, là. On en fait beaucoup depuis les années 70, avec un renforcement, je dirais, beaucoup dans certains types de performances, ouais, des années 80 et plus. Et en théâtre, t'as ça maintenant, beaucoup dans les arts technologiques, t'as souvent ce rapport-là où le public n'est pas juste contemplatif, mais devient en interaction avec l'œuvre, et l'œuvre prend son sens en autant qu'il y a une interaction. Donc, tout ce rapport-là est quand même intéressant à explorer. Et puis, pour moi, ça, c'est un travail manœuvrier. Oui, puis j'imagine aussi que c'est très, très nourrissant là, dans Absolument. Une production artistique, Absolument. Dans la réflexion. Oui, à la fois dans la réflexion, mais à la fois dans la réalisation, parce que tu te trouves toujours en contact. Tu n'es plus tout seul avec ton œuvre dans l'atelier, si je prends le cas extrême. Tu es vraiment en mode atelier ouvert. Et là, tu es avec le public, avec en interrelation tout le temps avec plein de gens. Et là, il y a une espèce de glissement dans le réel qui est assez... très enrichissant. Est-ce que c'est confrontant parfois aussi? Oui, c'est confrontant parfois. Oui, absolument. Parce que bon, puis moi, je travaille pas sur le mode de harcèlement, de vouloir convaincre les gens, mais donc, t'as cette idée, et parfois, le rejet de quelqu'un va te sembler un peu dur parce que t'avais l'impression que c'était une bonne idée. Ça fait qu'il y a quand même, tu sais, des trucs où faut que tu sois prêt. Il y a un risque, il y a un grand risque. Tu plonges vraiment dans l'inconnu. C'est une zone à risque et il faut être prêt à beaucoup de choses pour aller là-dedans, tu sais, parce que ça demande, tout au niveau des relations humaines, ben là, t'as toujours un truc très large, puis tu sais jamais dans quoi tu t'embarques. Ouais, c'est ça, parce que tout humain étant différent, on peut pas non plus tout prévoir. J'imagine aussi que c'est le propre de la manœuvre de ne pas accepter d'être dans une zone de confort. Absolument. Absolument. Puis d'ailleurs, c'est toujours l'idée de la manœuvre, c'est comme un projet de départ. Puis pour ça, je parle toujours du mot projet, parce que ce qu'il devient à la fin, habituellement, c'est jamais ce que tu avais prévu. Ouais. C'est proche, c'est analogue, c'est bon, mais c'est jamais ce que tu avais prévu. C'est sûr que selon les manœuvres, tu peux avoir un niveau de contrôle plus ou moins grand de l'objet, de l'œuvre d'art que tu es en train de construire, mais parfois, il y a des choses qui t'échappent beaucoup. Je sais pas, par exemple, j'ai fait un projet à Toronto. Oui, j'allais vous demander un exemple, justement, de manœuvre. J'ai fait un projet à Toronto avec les communautés. Je me disais, Toronto, c'est quoi? Ils se vendent comme étant la ville la plus cosmopolite au monde. J'ai dit, OK, je vais travailler avec les minorités, les communautés minoritaires, enfin, les communautés. Finalement, je me suis retravaillé à travailler avec 54 communautés différentes, des représentants quand même, hein? Des communautés différentes. Je veux dire qu'il y en a quand même beaucoup. Et là, ben, là-dedans, c'était à la fois confrontant au niveau culturel, linguistique, à tout niveau, mais c'est absolument fascinant. C'est toute une série de contraintes. Donc, les gens m'invitaient chez eux, j'allais filmer leurs mains, tout un espèce de rapport, toujours un peu formaliste, mais ça créait des relations absolument inouïes. Et tout ça s'est terminé, donc ce travail-là se fait pendant un mois ou deux. Et ensuite, ça s'est terminé par une installation interactive où il y avait 2000 séquences vidéo prises avec ces gens-là. 2000, hein? Ouais. Et qui donc se mixaient live dans l'installation selon les interactions des gens. Donc, j'avais des table, et si les gens aimaient mieux manger des biscuits, ils allaient manipuler une table où il y avait des capteurs, des senseurs, et là, tout à coup, c'était un type de scène qui se déroulait devant eux. S'ils allaient à une autre table, c'était autre chose. Enfin, il y avait toute une lecture à décoder, tout ça. Puis finalement, ça donnait un portrait assez fluide de cette de Toronto. C'est un portrait de Toronto dans sa mouvance et avec les 54 communautés en question. Ah oui, quand même, c'est vraiment d'une très grande ampleur, là, vous me dites ça, là, de 54 communautés, 2000 images. Tu vois, on connaît peut-être plus à Québec l'Atopie, la sculpture de l'Atopie au parc de l'Université du Québec. Oui, juste à côté du parc Saint-Roch. C'est ça, qui est un projet conjoint là, avec Martin Mingui et beaucoup d'associés. Ça, c'était une équipe complète. Ben, ce projet-là, c'est un peu la même chose. Donc, on a donné les palais, les pocs, des trous dans les plaques, et ces palais-là se promènent sur la planète. C'est un peu un jeu de lettres qui se poursuit, etc., mais c'est fait de main à main. Donc, avec l'idée d'injecter un peu de poésie dans le quotidien, de créer aussi des zones de communication entre les gens, juste par cet objet-là qui devient un prétexte. Ah, tu pars à Paris, regarde, je te donne la POC, amène-la à Paris. Là, tu pourras la donner à quelqu'un qui s'en va à Ouagadougou, etc. Est-ce que vous avez des nouvelles, des fois, de ça? Ben oui, on suit ça, là, on est en train de revamper le site Internet, ce qui permet de suivre les palais, où est-ce qu'ils sont, quand les gens se réinscrivent. Beaucoup de gens le font, donc ça nous permet d'avoir une espèce de carte de la planète où on voit la toile d'araignée qui s'accrée, tous ces palais-là qui se promènent sur la planète. Et quand on va les ramener, ben, on va souder les pocs dans les plaques à l'université, et là, on pourra lire le texte qui est, pour l'instant, perforé. Et vous dites quand on va les ramener, est-ce que vous avez une idée? On imagine que d'ici 2-3 ans, on va commencer à faire le rappel, parce que là, on n'a pas fait le rappel encore. Donc, on va lancer un courriel aux atopistes, dire, bon, ben là, ce serait le temps de ramener les palais. Et puis, bon, ça aura duré donc 15 ans, 18 ans, ce projet-là. Quand même pas mal. Oui, c'est ça. Hein? C'est vraiment d'une grande ampleur. Alain Martin-Richard, j'aimerais savoir... voyons, j'ai perdu ma question pendant que je la posais. Bon, la monographie là nous présente 30 ans là de 30 ans, un peu plus que 30 ans, mais je pense qu'on est pas mal on va arrondir. Nous présente donc votre production des 30 dernières années. Vous avez certainement pas terminé de travailler. Vous avez dit, je veux pas être enterré maintenant. Ouais. Qu'est-ce qui s'en vient? Ben là, présentement, je travaille sur un gros projet pour la manif de cette année. La prochaine manif d'art, au mois de mai. Et donc là aussi, c'est une manœuvre en interaction avec des gens qui vivent dans un bloc appartement sur le boulevard Charest. Donc à peu près à 1,5 km de l'espace 400. Okay. Et je suis en train de créer un projet avec mapping vidéo qui va faire une interaction avec les gens qui vivent dans le bloc. Donc, c'est vraiment le fait que les gens bougent dans leur appartement qui va nous permettre de voir l'œuvre d'art. Si les gens bougent pas, on verra rien. Okay. S'ils bougent, on va voir de quoi. Ah, donc, ouais? Ils vont vraiment être connectés en direct par par un peu de technologie là, qu'il faut rentrer là-bas. Donc, moi, en échange, je leur donne un tableau. Je leur donne à chacun un tableau, mais dans le tableau, il y a un détecteur puis un petit bidule électronique qui fait qu'ils vont être captés dans leur mouvement et non pas visuellement. Là. Il n'y a pas de caméra et ils sont très au courant de ça. Ah, ouais, j'imagine. Espérons-le. Oui, oui, oui. Et bien, voilà, mon Dieu, le temps file. Alain Martin-Richard, merci beaucoup. Donc, lundi soir prochain. Voilà, lundi soir prochain, 5 à 7 au Cercle, lancement de la monographie Alain Martin-Richard, performance, manœuvre et autres hypothèses de disparition. C'est publié par Fado Performance, Les Causes Perdues et Sagami Édition d'art. Donc, ce sera disponible, on pourra l'acheter, j'imagine, très certainement lundi. Pour le DVD. Ah oui, Avatar, mon Dieu, j'ai de la misère à parler. Ouais, voilà, ouais. Avatar avec le DVD. Donc, lundi à 5h au Cercle. Merci beaucoup. S'en va en pause, au retour, on discute avec Catherine Boivin. C'est vraiment une honte que des gens qui ne sont pas violents soient accusés de l'être tout en se faisant frapper à la tête. C'est KRL. Alors, à ceux qui frappaient à notre porte ce matin, on pourra leur offrir un emploi dans le Nord autant que possible. Le train du Nord, c'est comme la mort quand il n'y a personne à bord. Elle sonne comme un encouragement à poursuivre le mouvement. Imaginez le printemps. 89. Québec. Je ne sais pas qui je suis. Le Radioton de CKRL arrive à grands pas et cette grande fête radiophonique sera présentée par La Barberie. Je ne sais pas ce que je fais ici. La boîte à pain Café Napoli. Je ne sais ni d'où je viens ni où je vais. Le Bal du Lézard et l'Hôtel Château Laurier. Ne manquez pas cet événement unique, les 4, 5 et 6 avril. Plus ça va, moins je comprends. Nombre de Québécois ont compris et ils vont agir. Chaque mardi et vendredi, CKRL vous propose des émissions variées axées sur le blues, le métal et plusieurs autres styles, tout comme les soirées du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, c'est des spéciaux sur les bières importées et des microbrasseries québécoises, les étonnants 5 à 7 sur les bières canadiennes et le vin, le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou, lebaldulézard.com. Vue parallèle, les journées de cinéma LGBT de Québec. Une programmation festive et variée proposant une quinzaine de longs métrages et documentaires en provenance de 4 continents, 2 conférences et des invités de marque. I never once believed that it was wrong to be gay, that homosexuality was evil. Vue parallèle, 3e édition, du 27 au 30 mars au Cinéma Quartier. Informations et réservations, vueparallèle.org. I would give anything just to see a nice... Répétez après moi le plus rapidement possible. Jésus soupe chez Zachée. Jésus soupe chez Zachée. Jésus soupe chez Zachée. Jésus soupe chez Zachée. 20 ans, 20 piastres, c'est plus facile. La campagne annuelle de financement de Premier Acte souligne 20 ans d'activité. Vous êtes invité à vous remémorer le passé et contribuer à son avenir une pièce par année. C'est pas cher pour que ça continue. Contribuez sur campagne20ans.com. 418 694 9656. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10 % à chaque fois que vous faites un achat au Centre de yoga de Québec, 1355 3e Avenue. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. On est de retour à l'aérospatiale. Julie Gagné, toujours avec vous, accompagnée, comme à l'habitude, de Jacques Gignac à la mise en onde. Et je suis rejointe par Catherine Boivin. Bonsoir. Oui, bonsoir, Julie. Catherine, t'es allée faire un tour à Materia. T'es allée voir des anomalies. Je suis allée voir, une exposition de sculpture de Stéphane Langlois, qui s'intitule Anomalie, et qu'on peut voir comme ça depuis le 7 mars jusqu'au 20 avril. Ah, excuse-moi, voilà. J'ai replacé ton micro. Tu m'entends là. Bien? Tu m'entends? Un, deux. Check, un, deux. Et donc, c'était une heureuse découverte parce que c'était quelqu'un que j'avais côtoyé. C'est un ancien étudiant du début de ma carrière d'enseignante en histoire de l'art. Oui, oui. Est-ce que tu savais avant d'y aller? Non, j'avais pas porté attention. C'était pas quelque chose qui me pissait en arrivant déjà Stéphane Langlois. Donc, c'est une exposition de ses œuvres récentes. C'est des œuvres métal, donc acier ou aluminium. Il y a des pièces qui sont plus de format, je dirais, format bibelot, quoique ça a une connotation négative, là, mais c'est vraiment de petites pièces ou encore des pièces assez grand format aussi. Alors, les petites pièces sont en acier à partir de, je dirais, c'est fabriqué à partir de soudures, d'éléments vraiment soudés où l'acier, on sent l'aspect un peu rouillé. Là, il y a toute une coloration assez sombre. Mm-hmm. Il s'inspire des éléments de la nature, dont le cône de pin. Et c'est la cocotte en la fait. La cocotte, là. Exactement, et qui parfois il y en a qui sont fabriqués avec une accumulation de petites plaques rectangulaires ou parfois ça peut être des clous, des gros clous, mais on voit pas on comprend l'objet unique là, mais je dirais que c'est l'ensemble qu'on retient. Puis ça peut faire évoquer pour certains des hérissons mm-hmm. ou encore des éléments vraiment de comme ça, comme un cône, un élément de la nature. Mais je dirais que c'est très... moi, je les ai trouvés formellement réussis, agréables, intrigants et bien réalisés aussi. Tout à fait le contraire, toutefois, pour les pièces en aluminium, qui sont grand format, qui sont vraiment là autrement assemblées comme des espèces de grands caissons, qui évoquent la forme d'une feuille, une feuille de chêne, ou en fait, c'est indéfini, là, mais vraiment, on a les espèces d'arêtes. Et ce caisson-là, qui est comme central, il va avoir comme deux grandes plaques de métal là, qui reprennent la forme et qui sont comme si ça se séparait, comme s'il y avait une partie, une feuille qui se séparait et qui s'ouvrait. Et parfois, bon, elles sont posées sur le... C'est comme si elles s'étaient tombées sur le côté, ou parfois elles sont carrément tombées sur comme un peu la tête, un peu sur la pointe. Alors, selon, il y a variations sur la position. Ils sont tous différents là aussi. Mais vraiment assez différent comme technique, et puis vraiment avec un fini brossé un peu là sur l'aluminium aussi. C'est là, très brillant là, tu sais, contrairement au rouillé. Là. Oui, tout à fait. Vraiment deux techniques, deux matériaux qui évoquent vraiment des effets là, tout à fait différents. Je dirais que on dit que c'est un artiste de la relève, c'est un artiste de la région de Québec, c'est un artiste donc qui a fait son école à l'école des métiers d'art en technique de sculpture. C'est un élève aussi de Jean-Pierre Morin, mais ça je dirais que ça paraît. Je dirais que c'est comme un peu on dirait fait partie de l'école de Jean-Pierre Morin hein, d'une certaine, moi je dirais un peu cet aspect-là, mais c'est un digne représentant de cette école-là parce que je te dirais que il a bien appris la leçon. Je veux dire, ses pièces sont fortes au niveau formel, moi je trouve, et au niveau technique. Alors c'est pas péjoratif de dire ça. Je dirais que Stéphane Langlois a aussi travaillé le bois, aussi fait des formes qui sont davantage proches des masques. Ça a été une production antérieure. Ouais. A travaillé le bois aussi dans des formes qui rappelaient c'était plus abstrait. Moi ça m'a fait penser à les formes un peu épurées de Brancusi, là. Mm-hmm. C'est un autre aspect. Je sais pas où il en est par rapport à cette production-là. En tout cas, à suivre. Moi, je trouve que c'est un artiste dit de la relève, quoique ça fait plus de 10 ans qu'il a quand même gradué. Ouais, ça, des fois, c'est comme la question, là, la relève, là. Je connaissais une chanteuse, ça faisait 15 ans qu'elle pratiquait, puis elle dit, je suis en relève, là, quand est-ce que ça va arrêter? Exactement, mais c'est long, hein. Je pense que les artistes, c'est assumé d'une certaine manière, ça prend un certain temps, mais quand même, c'est quelqu'un qui est actif dans le milieu, qui continue à exposer, qui a fait une œuvre donc d'art public aussi pour la bibliothèque du collège des Jésuites. Donc c'est quelqu'un donc je dirais qui est à suivre, et je dirais si j'avais un conseil à dire dans un côté un peu plus collectionneur, hein, je dirais ses prix sont quand même assez intéressants, hein, ces petites pièces si je ne m'abuse, c'est quand même autour de 800$, mais c'est quelque chose auquel on peut penser. Hein? Oui, mais il y a du métier aussi. Je disais, c'est vraiment une solide formation, mais je me disais, considérant où Jean-Pierre Morin est rendu au niveau de sa cote, sa popularité et puis la valeur, compris ses œuvres, enfin, c'est quelque chose qui est disponible à savoir. Mais je me disais, tiens, avis aux collectionneurs, c'est peut-être un secret bien gardé que le travail de Stéphane Langlois. Ses plus grosses pièces sont plus importantes, mais quand même, ça demeure, tu sais, dans l'ordre d'un budget, enfin. Ah oui, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Les grandes pièces sont plus autour de 3 000, 3 005, mais je pense qu'il faut en parler de ça, les prix. Elles ont une valeur, elles sont des pièces. Alors, il faut avoir l'espace pour mettre ces grandes pièces-là, mais elles meublent vraiment bien l'espace, soit... Mais surtout, en fait, on n'en a pas encore parlé, mais l'éclairage sur les sculptures. Moi, au début, j'ai demandé à la personne qui surveillait l'exposition, je dis, il n'y a pas beaucoup de lumière. Mm-hmm. Puis elle m'a dit que c'était effectivement volontaire, puis c'est trouver l'angle, en fait, pour que les ombres soient les plus fascinantes. Puis elle m'a dit que ce qui valait vraiment la peine, c'est de, mettons, passer le soir, mais là, bon, les journées ont allongé, mm-hmm. puis la galerie est pas nécessairement ouverte, mais que à ce moment-là, il y avait vraiment tout un travail avec les ombres. J'imagine, justement, là, celle avec les clous. Oui, absolument. Avec la lumière, puis ces ombres-là mm-hmm. qui se déploient, là, c'est quand même assez... Oui, puis les effets de feuillage là, des grandes pièces aussi. On discutait avec la gardienne de l'exposition du fait qu'on aurait pu même penser à un éclairage dès l'intérieur pour venir créer un jeu d'ombre. Donc, ce seraient des pièces de jardin assez intéressantes. C'est des vrai. Pièces qui sont arrondies aussi. Donc, toute la notion de l'anomalie pourrait évoquer, par exemple, un malaise que moi, j'ai pas ressenti personnellement. Il y a une pièce là, qui est un peu étrange parce qu'elle est faite avec des têtes de marteau assemblées, une accumulation de têtes de marteau, donc un hérisson à tête de marteau. Là, on se fascine à reconnaître l'objet et puis de voir l'ensemble là aussi. Mais essentiellement, c'est ça que j'avais à apporter. Moi, il y a une séduction dans ces pièces-là parce que je trouve qu'il y a un travail formel vraiment, vraiment maîtrisé, bien réussi. Et donc, je suis pas tant que ça dans l'anomalie, je suis plus dans la séduction, dans le rapport à l'œuvre. C'est une pièce avec laquelle je vivrais, moi, tout simplement. Ah oui. Vraiment. Dans mon jardin ou mon salon, là, mais bon, c'est à déterminer. Là. Voilà, donc tu recommandes l'exposition, je présume? Hein? Oui, oui, je le recommande à suivre aussi. C'est un artiste qu'on reverra. Et puis là, il est établi à Neuville. On a dit que pendant longtemps, il vivait à Québec. Et on peut le retrouver à Neuville avec la communauté d'artistes, là, donc de Portneuf. Ouais. C'est quelqu'un de Saint-Marc-des-Carrières à l'origine. Donc, il revient un petit peu vers chez lui, au Bercail. Et donc, c'est un nom... de la relève à surveiller. Voilà, donc on verra fort probablement dans les mois ou années à venir. Catherine Boivin, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Donc, Anomalie de Stéphane Langlois est présentée à Materia jusqu'au 20 avril. On fait une pause, on écoute la pièce Hidden Carol and Blatant Conversation. Au retour, on discute avec Armelle François au sujet de l'exposition Histoire universelle de l'infamie qui est présentée à Engram. Là, c'était un extrait de l'album Mostly I Like Everything de KJ House. Moi, ça me met vraiment de bonne humeur. Là. Ça me faisait tapoter du pied. Voilà. On fait un petit tour à Engram où Armelle François, chargée de communication, nous amène. Bonsoir. Armelle, c'est en ce moment une exposition Histoire universelle de l'infamie de l'artiste écossais Robert Powell. Oui. J'ai envie peut-être à la base de parler de l'échange, en fait, parce que ça, c'est la deuxième édition de l'échange entre Engram et la Society of Scottish Artists. Il me semble que quand la première édition a eu lieu, je me rappelle pas c'est quand exactement, mais il y avait pas des œuvres de plusieurs artistes. Non, en fait, je me mêle, hein. L'année dernière, il y a eu une artiste de Québec qui est allée exposer là-bas. Okay. Donc, c'était Denise Blackburn, pardon, qui est allée exposer là-bas. Donc, elle a exposé à la Royal Society of Scottish Artists. Donc, c'était très intéressant. C'était vraiment une belle exposition dans un lieu absolument magnifique, là. Donc, pour ça, c'était parfait. Et sinon, ça, c'est un des deux volets de l'échange, mais cet échange-là a déjà eu lieu, effectivement. Il y avait eu des expositions précédentes il y a 2 ans. Okay. Qui était venu, un collectif qui était venu à Québec aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Me semble avec les pochettes là, c'est inspirées ça, les des pochettes de disques psychédéliques. Ouais. Voilà. Donc, est-ce que c'est possible de nous parler un peu de Robert Powell d'ailleurs? Est-ce que c'est l'Écosse qui l'a envoyé ici qui faisait le choix ou c'est non, c'est nous qui avons fait le choix. Eux nous proposent plusieurs artistes. Il y a comme une présélection qui est faite et nous on choisit l'artiste qui on semble le plus intéressant de ce qu'on peut voir par rapport au dossier et on va toujours essayer d'aller chercher quelqu'un qu'on ne verrait pas ici. Un travail qui est un petit peu différent de ce que nous avons dans les œuvres qui sont présentées en galerie. Donc, cet artiste-là a été sélectionné. C'est un jeune artiste, contrairement à ce que les gens pensent. Il n'a que 29 ans. Donc, c'est un jeune artiste qui commence à avoir une belle carrière là-bas, mais qui n'est pas encore très reconnu. Mais quand même, la critique se plaît. On le surveille. Oui, tout à fait. En plus, il a commencé à faire de la sculpture, ce qui plaît aussi. C'est pas ce qu'on voit dans l'exposition-là, mais ça fonctionne bien. Donc, son travail tourne beaucoup autour d'une retranscription de thèmes importants de l'histoire de l'art et de la mythologie, de la religion. Donc, c'est sûr qu'on va retrouver des thèmes connus. Il les transforme à sa manière. Il va se les réapproprier et il aime les tourner un petit peu en ridicule. Ouais. Donc, les associations qu'on pourrait voir comme ça tout de suite vont être beaucoup par rapport à Jérôme Bosch, par exemple, où c'est le même type d'iconographie, en fait. Sinon, je regarde sur mes papiers parce que je me perds un peu. Ben oui, c'est bien correct. Bruegel l'Ancien aussi, dans même idée de ce côté un petit peu ridicule. Le fait de... Parodique, en fait. Hein, aussi, effectivement. Oui, c'est ça. La caricature est vraiment importante. On va mélanger les personnages humains et les animaux. Il y a toutes sortes de choses qui sont fantastiques mêlées à des choses tout à fait réelles. Donc, ce mélange-là, ce foisonnement perpétuel déstabilise, en fait, parce que on pense que la chose est simple, puis on arrive parce qu'on a un tout. Et finalement, il y a tellement d'informations à l'intérieur que on met des heures, si on veut, à regarder une œuvre. Là, c'est vraiment très long. Il y a des gens qui passaient pour un petit 5 minutes dans la galerie et qui finalement sont restés très longtemps sur chaque œuvre. Ouais, parce qu'il y a un détail, en fait, là. On n'a pas parlé de la technique, là, mais c'est quand même assez incroyable, là, la finesse, la fluidité aussi dans le dessin. C'est ce que permet la gravure, en fait. C'est un dessin à la pointe sèche. Donc, ça permet un détail très précis. Et il va amener certaines ombres avec un principe d'aquatinte qui permet d'avoir des grands niveaux de gris, des grandes nuances à l'intérieur de ces grisés-là. Et par-dessus, pour avoir sa couleur, il travaille à l'aquarelle. Donc, tout est rehaussé à l'aquarelle. Tout ce qui est au niveau de la couleur est fait à l'aquarelle. Il y a entre 6 et 10 copies par œuvre à chaque fois. Ah ouais, parce que... Elles sont toutes faites à la main. Mais moi, c'est ça, parce que quelque chose que j'ai remarqué, je me suis dit, l'aquarelle, avec ça, ça devient beaucoup plus une pièce unique, hein, cette idée de reproductibilité, donc de la gravure. Oui. On la perd, mais là, tu me dis, il le fait de 6 à 10 fois. Oui, c'est ça. Le travail à l'aquarelle, quand même, parce que c'est pas un travail imprécis, là. C'est pas. Non, c'est très pas précis. Une utilisation, disons, expressive, là, de l'aquarelle, là. Mais il les numérote comme des variantes, toutefois. Okay. Pour spécifier que c'est différent à chaque fois, que chaque copie est différente. Mais il amène des personnages qui sont pas du tout faits en gravure aussi par-dessus. Donc ça, j'ai pas vu les différentes copies, moi. Donc je sais pas si ces personnages, il arrive à les faire spécifiquement identiques, ce qui m'étonnerait quand même, parce qu'on est uniquement à l'aquarelle, là. Mm-hmm. Mais je pense qu'il a une telle maîtrise du matériau qu'il est capable de les représenter très précisément à chaque fois, là. Mais c'est quand même assez intéressant de voir qu'il est capable d'amener autant de subtilité sur une œuvre après le travail de la gravure. Et son aquarelle, en fait, moi, il y a quelque chose que j'ai remarqué plutôt, c'est les couleurs. Hein. On n'est pas dans des couleurs vives. Habituellement, on est plus dans des couleurs un peu comme désaturées, des couleurs qui font un peu vieillot. Oui. Je trouvais, parce que dans le communiqué, on en parle aussi, donc, de son rapport à l'encyclopédie, à l'illustration de l'encyclopédie. Puis il y a ce côté-là aussi, je trouve, qui vient être... Mais il y a deux choses. C'est certain que sa manière de travailler amène ça. Et il a un papier qui est toujours un petit peu grisé. C'est pas un papier blanc, ce qui fait que l'intensité de la couleur va être différente aussi. Mais c'est certain que tout ça est pour rajouter au propos du côté encyclopédique, donc un petit peu vieillot toujours, là, parce que c'est sûr qu'il fait référence à ça, et ses références à l'histoire de l'art aussi forcément font qu'il ne peut pas utiliser des couleurs qui seraient très saturées comme on les utiliserait maintenant. Oui, c'est ça. Donc, il s'inscrit comme en continuité d'une pensée peut-être un peu plus classique aussi, là, dans un certain sens. D'ailleurs, on parlait d'encyclopédie. Je lisais un peu, je réussis à glaner quelques informations sur lui, puis il disait qu'il avait pour espèce de fol espoir de représenter à peu près tout ce qu'il y avait dans le monde, et que, ben, finalement, ça n'a pas fonctionné. Donc, il a arrêté. Ça montre un peu aussi, là, l'esprit de l'artiste. Oui, c'est ça. Son esprit à lui, puis en fait, c'est vraiment tiré de l'esprit encyclopédique au point de départ pour lui, et ce qui est un petit peu ça à la base, l'idée de l'encyclopédie et de l'image encyclopédique, c'est de montrer une information avec une seule image, donc une information avec tout son contenu, donc tout ce qu'il peut y avoir. Et là, l'idée de représenter la totalité de l'histoire du monde par une image ou quelques images, une succession d'images. Là, on en a quelque chose comme une quinzaine en galerie. Donc, montrer une bonne partie de l'histoire du monde par 15 images, c'est un vœu pieux en soi, parce que c'est totalement irréaliste. Et c'est là où il estime avoir échoué, mais c'est ce qu'il tente de faire quand même. D'ailleurs, tu parles, bon, il y a 15 œuvres dans l'exposition. Il y a une autre chose aussi qui m'a frappée, c'est vraiment la mise en espace. Hein? Très classique, très, très simple. Je pense qu'il y a une simèse ou deux avec du verre, sinon les œuvres, elles sont vraiment là, disposées donc à hauteur de regard. C'est un choix que vous avez fait en gramme ou c'est l'artiste qui est venu aussi? C'est nous. L'artiste n'est pas venu et il nous a laissé totale liberté pour le montage. Donc, on avait des œuvres qui sont très classiques déjà, qui sont encadrées de manière classique aussi. Donc, on voulait un petit peu rajouter au conformisme avec ça, mais ça nous prenait quand même un point fort. Ben ouais. Donc, l'idée du verre est venue pour avoir quelque chose qui sorte, qui fasse qu'on repère très facilement les œuvres. Et ce verre-là est à peu près présent dans toutes ces œuvres. Ben oui, puis on le voit, là, t'as le carton, devant toi, là, puis on le voit vraiment bien. Là, je sais pas quelle est l'œuvre qui est représentée dessus, mais ce verre-là est très, très présent. Oui. C'est à partir de cette œuvre-là qu'on a choisi le verre. Ah ouais, bon, mais voilà, c'est conséquent. Eh ben, Armelle, François, merci beaucoup. Merci. Donc, Robert Powell, Histoire universelle de l'infamie, est présenté en grande jusqu'au 6 avril. De notre côté, on s'en va pas. Audio, on écoute un extrait de la pièce It Would Have Been a Cowboy sur les ondes de CKRL. Usurp and the scout up to me. Et voilà, donc, ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'était KJ House, Mostly I Like Everything. Je vous invite à aller sur notre site, l'aérospatiale.wordpress.com, où vous trouvez, bien entendu, l'émission disponible en balado-diffusion. Pas celle-ci, mais ça ne sera tardé dans les jours à venir. Mais les émissions antérieures également, les liens de la revue de presse, les liens aussi pour les sélections audio de Simon Roy, les communiqués de presse, etc. Donc, tout y est sur notre site. Vous pouvez également venir nous aimer sur Facebook. Voilà. C'est la fin de l'émission. Quelques événements, en fait. C'est une série d'événements et de vernissages. En ce moment, il y a le colloque Nouveaux médias, donc en partenariat avec l'Université Laval et Avatar. Et dans le cadre de ce colloque-là, il y a l'installation Performance Rainforest 4 de David Tudor qui aura lieu donc demain de 9h30 à 9h30, pardon, et de 16h à 21h à la salle multi de Méduse. Jeudi prochain, 5 à 7 d'ouverture de la résidence d'Emmanuel Lagrange-Paquet, You Never Know, c'est présenté à la Chambre Blanche. Vendredi à 17h, là vraiment c'est le don de Buquité vendredi, donc vernissage de l'exposition Brainstorming de Manuela Lalique au lieu. Également à la même heure, vernissage de Valley of the Deer de Gillian McDonald à la bande vidéo. Puis, un petit peu plus tard, à 20h, on voit le choix de l'heure est assez festif à l'œil de poisson, vernissage des expositions de David Lafrance, Josiane Roberge et Leila Rodriguez et Christian Straub. Donc, c'est à compter de ce vendredi. Voilà, c'est déjà tout pour cette édition de l'Aérospatiale. Je remercie mes invités. Je remercie Jacques Gignac à la mise en onde. Et puis, je vous souhaite une belle soirée avec Gilles Chaumel et son folk d'Amérique sur les ondes de CKRL. Et nous, on se revoit, bien entendu, la semaine prochaine.